J'espère que là. J'ai même pas les paroles. J'ai cherché les paroles. Tiens, j'ai plus de pêche sur ce micro là.